Je n'en reviens pas, répéta Aurore pour la troisième fois. Pascal avait immédiatement reconnu la jeune femme, une jolie rousse couverte de taches de rousseur. Malgré les années écoulées, elles ne s'étaient dévisagées que 2 secondes avant de tomber dans les bras l'une de l'autre. « Et tu vas travailler ici ? C'est merveilleux !» Elles étaient allées ensemble à l'école primaire, puis au collège d'Albi, et lorsque Pascal avait quitté la région, elles avaient juré de s'écrire. Au fil du temps, les courriers s'étaient espacés, se résumant à des cartes de vœux à Noël ou pour leurs anniversaires respectifs. Pascal savait qu'Aurore était devenue infirmière, mais jamais elle n'aurait imaginé la retrouver à Purpan, dans le service de pneumologie qu'elle venait de visiter en compagnie du directeur de l'hôpital. Bras-dessus, elles quittèrent l'étage pour descendre jusqu'à la cafétéria du rez-de-chaussée. En quelques mots, Pascal expliqua pourquoi elle avait choisi de revenir et de quelle façon elle allait se retrouver propriétaire de Pérol. Aurore s'enthousiasma, apparemment ravie à l'idée de revoir la maison où elle avait si souvent joué et dont elle conservait un souvenir ébloui. « C'est toujours aussi magnifique, un peu abîmé par le temps et les locataires successifs, mais dans l'ensemble, ça tient debout. » Elles évoquèrent d'anciennes amies qui avaient participé à ces goûters d'enfants, puis se racontèrent brièvement leur vie. Aurore connaissait Samuel de vue et trouvait drôle qu'il ait pu être le mari de Pascal. Pour sa part, elle n'avait pas encore rencontré l'âme sœur, mais ne voulait pas entendre parler d'un homme appartenant au milieu hospitalier. « Tous ces médecins sont d'une arrogance folle devant les infirmières, alors qu'ils ne pensent qu'à les fourrer dans leur lit, très peu pour moi. De toute façon, dans le service, les playboys sont plutôt rares, tu verras. » Et l'ambiance ? Boulot, boulot. Oh, le patron est une femme odieuse qui... Oh oui, ça m'en a tout l'air. Je sors de son bureau et je ne m'attendais pas à ce genre d'accueil. Froide, méprisante, hostile. Elle m'a accordé le poste du bout des lèvres, à croire que seule la pénurie de candidats l'a décidé. Nadine Clément est une vraie harpie, précisa Aurore en baissant la voix. Et en plus, elle n'apprécie pas les nouvelles têtes. En revanche, elle est compétente. Impossible de lui enlever ça. C'est le principal... « Je m'arrangerai du reste, » affirma Pascal. Néanmoins, la perspective d'avoir une amie dans le service la soulageait. Même en étant habituée à la hiérarchie hospitalière, à ses intrigues, ses coups bas et ses commérages, elle n'avait aucune envie d'entrer en guerre dès le premier jour. « Je suis désolée pour ta mère, » reprit Aurore. « Je me la rappelle comme une très belle femme, mystérieuse, exotique, le genre de mère que toutes les filles auraient voulu avoir. Je crois que la classe entière t'enviait ton grand frère, ta maison, tes parents. » « Vraiment ? Eh bien, tu vois, on ne se rend compte de rien quand on est enfant. En ce qui me concerne, je me consolais en me disant que chez moi, au moins, on riait de bon cœur. Ma mère était incroyablement gaie, elle l'est encore d'ailleurs, alors que la tienne semblait toujours si triste. Elle avait des soucis ? À l'époque ? Non, pas que je me souvienne. » Le cœur de Pascal se serra à cette évocation. 20 ans plus tôt, sa mère n'était pas malade. Mais effectivement, elle se montrait plutôt mélancolique et ses sourires avaient quelque chose de contraint. Mon père rêvait de monter à Paris. Il était persuadé que maman s'ennuyait à Pérol. Je ne sais pas s'il a bien fait. Aurore jetant un coup d'œil vers la pendule murale et se leva d'un bond. Ma pause est finie, je dois remonter. Je ne tiens pas à me faire traîner dans la boue. Quand commences-tu à travailler avec nous ? Dans 8 jours. Alors appelle-moi d'ici là. On dînera ensemble et je te mettrai au courant de tout ce que tu dois savoir sur le fonctionnement du service. Elle sortit un papier et un stylo de la poche de sa blouse, griffonna son numéro de portable et le tendit à Pascal. « Je suis très contente », répéta-t-elle avant de se sauver. Pascal la suivit des yeux tandis qu'elle se dépêchait de traverser le hall en direction des ascenseurs du personnel. Le professeur Nadine Clément semblait décidément une vraie terreur. Mais peu importait. Pascal se sentait irréprochable sur un plan professionnel et elle comptait travailler d'arrache-pied pour se faire une place à Purpan. En quittant l'hôpital, elle essaya de se remémorer tous les renseignements donnés par Laurent Villeneuve. Il l'avait accueillie et escortée avec beaucoup de courtoisie. Une faveur qu'elle devait à Sam, une fois de plus. Que serait-elle devenue sans lui ? Peut-être n'aurait-elle pas eu le courage de sauter le pas s'il n'avait pas aplani les difficultés l'une après l'autre. Des tractations avec la banque, à ce poste en pneumologie, sans oublier la somme qu'il lui avait prêtée à titre personnel. Elle se jura qu'à partir de maintenant, elle allait se débrouiller toute seule. Et pour commencer, organisa en vitesse son emménagement à Pérol. Elle n'avait plus qu'une semaine devant elle pour tout planifier, et la liste des corvées qui l'attendaient n'en finissait pas de s'allonger. Faire venir ses quelques meubles de Paris, en descendre d'autres du grenier, quitte à payer Lucien Lestrade pendant un ou deux jours s'il était disponible, remplir les placards d'épicerie, s'occuper des démarches administratives, organiser un aller-retour à Saint-Germain pour y boucler ses valises et acheter l'indispensable voiture qui lui permettrait de naviguer entre Albi et Toulouse. Une bouffée d'excitation lui fit presser le pas. Elle avait pris sa vie en main. Elle n'avait plus peur.